Bonjour. Bonjour monsieur, vous avez reçu à recommander. Je vais vous demander une petite signature juste ici, s'il vous plaît. Ça marche. Je vous remercie. Une bonne journée, au revoir. Bonne journée. En plus une carte postale, ma gueule.